sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. On aimerait commencer l'émission ce soir en offrant toutes nos condoléances aux proches des victimes de l'attaque meurtrière de samedi dernier, toutes nos sympathies aux proches de Suzanne Clermont et bien sûr aux proches de François Duchesne et toute l'équipe du MNBAC. On en profite ce soir pour lire un petit témoignage que le musée a publié à propos de François. Donc, François Duchesne a toujours rêvé de travailler au musée. Il habitait tout près. D'ailleurs, de sa fenêtre, il apercevait le pavillon Gérard Morisset. Son rêve s'est réalisé en juin 2019, alors qu'il est devenu directeur du marketing et des communications. Sa passion pour le milieu culturel et sa créativité a vite séduit l'équipe de direction du musée, mais c'est surtout par son positivisme inébranlable que toutes les équipes du MNBAC ont été charmées. Même lorsqu'il parlait d'une situation difficile, il la racontait toujours en faisant ressortir les bonnes choses. Tout au long de son implication au musée, François a démontré une capacité inouïe à résoudre tous les problèmes, à surmonter les embûches, ainsi qu'à fédérer et à motiver son équipe. les succès de l'exposition Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain, la collection Jacques et Natacha Gellman, malgré la pandémie et la réouverture du musée, des suites du confinement du printemps dernier, ne lui sont pas étrangers d'ailleurs. Il a également réussi, en un temps record, à relier le MNBAC à un impressionnant réseau de partenaires et de collaborateurs, contribuant à réaliser la vision d'un musée humain et engagé. Comme collègue de François, les collègues du musée souviendront de sa joie de vivre, de sa perspicacité, de sa créativité, de son optimisme et de son dévouement. L'humain d'exception qu'il a été nous a marqué pour toujours. Donc ce soir à l'émission, notre chroniqueuse de la semaine, Marie-Claude Drolet, a rencontré Catherine Lebel-Ouellette pour parler de ses expérimentations en céramique. On a également une belle entrevue avec l'artiste Ilana Pichon à propos de son exposition « Défriche des chiffres » dans les vitrines de la galerie Engramme et une autre entrevue préparée par Gentiane Lafrance avec l'artiste Valérie Potvin pour faire un retour sur sa résidence de 8 mois à Berlin et de l'exposition qu'elle y a présentée. Ce soir, notre conseiller mélomane Simon Roy nous propose la musique « Trip-hop lente » de Raj, un DJ établi à Montréal. Donc, on se laisse tout de suite pour la piste DYT et au retour de cette courte pause musicale, on écoute l'entrevue que Marie-Claude Drolet nous a préparée avec l'artiste céramiste Catherine Lebel-Ouellette. А какое у тебя любимое стихотворение? А? Люблю грозу в начале мая. Люблю грозу. Совсем сбрендила. Есть такая трава, вроде камыша, на озерах растет. Внутри нее течет сладкий сок. Однажды русский генерал из гор к теплицу проезжал. Ребенка пленного он вез. Тот за ним не перенес трудов далекого пути. Он был, казалось, лет шести, как серно гор, пуглив и дик, и слаб, и гибок, как тростник. Но в нем мучительный недуг развил тогда могучий дух его отцов. Без жалоб он томился. Даже слабый стон из детских губ не вылетал. Он знаком пищу отвергал и тихо, гордо умирал. On est présenté à la Maison des métiers d'art de Québec. J'ai avec moi Catherine Lebel-Ouellette pour parler d'un projet en particulier qui est monté dans le cadre d'un projet incubateur à la Maison des métiers d'art. Donc, c'est un programme qui donne accès aux ateliers pour les finissants de la Maison des métiers d'art. Donc, bonjour Catherine. Allô. Catherine, tu es une artiste originaire de Québec. Oui. Tu vis et travailles ici. Mm-hmm. Donc, dans ton parcours, on a des études en photographie. Oui. En histoire de l'art. Mm-hmm. À Laval aussi. Oui, puis sinon, tu viens de terminer ton deck technique à la Maison des métiers d'art de Québec en oui. céramique. Oui, en 2020. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de ton parcours, précisément? Oui, oui c'est ça, j'ai fait des études en photographie au cégep de Matane. On a fini ça en 2003, si je ne m'abuse, ça fait quand même un bout de temps. Puis par la suite, comme tu disais, j'ai entrepris des études en histoire de l'art. Puis plus j'avançais dans ces études-là, plus j'avais le goût de revenir à une pratique artistique, en fait. Fait que la photo a comme refait partie de ma vie. J'ai jamais vraiment arrêté, mais c'était moins appuyé. Puis la photo a vraiment refait partie de ma vie de manière plus, plus importante, dans le fond, à la fin de mes études en histoire de l'art. Plus j'avançais là-dedans, plus j'avais le goût d'avoir une pratique artistique, puis j'ai continué vraiment à développer des projets photographiques. Et en parallèle, la céramique a tout le temps fait partie de ma vie. Moi, mon père m'a inscrit à des cours de céramique, j'avais 5 ans. T'sais. Fait que j'ai vraiment tout le temps fait ça un peu, mais comme sur le side, dans le fond. Oui, des cours... grand public, là, oui, ouais, vraiment. J'ai arrêté plusieurs années, là, la vie étant ce qu'elle est, les études et plein de trucs comme ça. Puis j'y revenais tout le temps un peu, ça me manquait tout le temps. Ça a tout le temps été vraiment une source de bien-être, en fait. Ça a l'air bizarre à dire, là, mais c'est vraiment reposant mentalement, faire de la céramique, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que j'ai tout le temps... Je suis tout le temps revenue à ça tranquillement, puis dans une dizaine d'années, j'ai vraiment décidé de m'y consacrer comme pour vrai, en reprenant des cours du soir, mais vraiment en repartant de la base, puis en perfectionnant, mettons, mon tournage, puis j'étais vraiment plus dans l'utilitaire. Et tellement que j'ai décidé de m'inscrire au DEC en céramique, il y a 3 ans. J'ai terminé au printemps dernier, puis c'est ça. Puis là, dans le fond, en faisant ce DEC-là, qui est vraiment fantastique, ben ça, j'ai ouvert ma pratique artistique à la céramique, dans le fond, puis tout ça est devenu plus global. Parce que tu faisais initialement des pièces plus utilitaires, donc qui se rapprochent de l'art de la table, peut-être des tasses, des assiettes, des choses des comme bols, ça. Des bols, des pichets, des trucs comme ça, puis dans le cadre de tes études, il y a vraiment cette ouverture-là à la création céramique. Oui. Bien, en fait, le DEC est super bien fait parce qu'il y a vraiment les deux volets sont aussi importants l'un que l'autre. Donc, on pratique ça, ce côté-là utilitaire. On le développe vraiment, on développe une collection et on développe aussi une pratique artistique. C'est pas tout le monde qui va continuer avec les deux volets. Il y en a clairement qui ont des préférences pour l'un ou pour l'autre, puis il y en a qui c'est les deux. T'sais. Moi, c'est mon cas. J'ai toujours aimé ça, faire de l'utilitaire. Je vais continuer à en faire. Je trouve aussi que c'est une façon intéressante de gagner sa vie. T'sais. Quand tu es un artiste, c'est difficile de juste vivre de ton art. Donc, tu sais, souvent, ça va prendre un sideline, ça va prendre quelque chose à côté. Puis, ben, le fait de pouvoir faire d'avoir une pratique utilitaire, ben, ça permet ça aussi. Donc, c'est sûr que c'est pas évident de jongler. Ça prend beaucoup de temps faire une pratique utilitaire, là. Mais oui. En tout cas, il y a moyen de. Je suis convaincue qu'il y a moyen d'arranger ça pour que ça fonctionne. Puis c'est ça. Fait que dans le DEC, il y a vraiment les deux qui étaient développés. Fait que ça m'a permis de pouvoir perfectionner les deux, en fait, puis d'amener ça ensemble. Puis en ce moment, on est donc dans l'atelier de moulage, je crois, à la Maison des métiers d'art. En fait, on est à côté de l'atelier de moulage. On est comme dans un local un peu multi. Multi, là, qui est dédié aux incubateurs. On s'appelle de même, c'est un peu drôle, là. Mais aux gens qui font l'incubateur. Donc, ils ont fini leur DEC, puis on a le droit à 2 ans. D'utiliser les ateliers de la Maison des métiers d'art, ce qui est fantastique parce que c'est des ateliers incroyables. Tout équipé, l'espace de travail. Oui. D'ailleurs, tu travailles sur un projet super intéressant en ce moment qui a pour titre, Les arbres d'eau. Oui. Donc, c'est un projet qui est dirigé vers le territoire. Il y a vraiment un très grand rapport avec la nature et principalement sur les algues. Donc, j'aimerais qu'on parle de ce projet-là spécifiquement que tu développes depuis quelques mois ici. Ben, en fait, j'ai commencé à le développer. C'est mon projet de fin de DEC. Puis, ben, la vie étant ce qu'elle est, à cause de la pandémie, nous, on a un peu fini... à la maison nos trucs, fait qu'on n'a pas pu finir nos projets. Moi, c'était un projet qui me tenait vraiment, vraiment à cœur, tu sais, puis ben, c'était dans la continuité de ma pratique artistique. Comme tu disais, je m'intéresse comme au territoire, à la nature, je m'intéresse aussi en céramique beaucoup aux organismes qui sont naturels, qui sont un peu moins connus, je dirais, tu sais, mais puis principalement, là, j'ai un trip sur les thallophytes, là, qu'on appelait anciennement les plantes inférieures, des espèces qui sont ni vascularisées, qui n'ont pas de tiges, qui n'ont pas de feuilles. Et dans le fond, là-dedans, on compte les mousses, les champignons. Les lichens. Les lichens, merci, et les algues. Fait que là, je suis comme partie sur ce délire-là, sur le délire des algues, en fait, pour commencer. Dans une approche très scientifique. Oui, vraiment. C'est vraiment ce... Il y a ça en dedans de moi, je pense. Même en photo, j'ai vraiment tendance à aller vers... l'inventaire, là, à inventorier les choses, une pratique plus documentaire aussi. Puis, ça se reflète aussi en céramique. Il faut savoir qu'en céramique, quand on pense à céramique, on pense beaucoup à de l'argile, là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a vraiment un côté cuisson hyper important et un côté aussi enduit, là, qui sont comme les glaçures, les émaux qu'on met sur les pièces. Mais tous ces émaux-là sont créés à partir de matières premières minérales. Donc, on parle plutôt de ce qui vient créer les décors sur les pièces? Oui, souvent, tu sais. Oui, fait que c'est vraiment ça. Tout est minéral, en fait, dans, dans la céramique. Puis ces matières-là, bien, à la Maison des métiers d'art, on est chanceux parce qu'on a un local de laboratoire hallucinant avec une quantité de matière vraiment phénoménale qui est difficile à avoir à la maison parce que c'est beaucoup, beaucoup de matière. Et ça nous permet de faire des tests incroyablement parce que toutes ces matières-là, en fait, les possibilités deviennent infinies quand on les mélange les unes avec les autres pour avoir des résultats, soit de glaçure et tout ça. J'aimerais ça qu'on parle des algues parce que oui. tu as vraiment fait une recherche par rapport aux compositions des algues, donc des minéraux, je crois. Exactement, c'est ça. Fait que les algues, dans le fond, moi, je me suis intéressée à la composition nutritionnelle. Là. Je suis tombée sur un tableau nutritionnel sur un paquet d'algues, puis ça ressemblait vraiment à une recette de glaçure. Des algues comestibles. Oui, complètement. Du Saint-Laurent, les algues québécoises. Ça ressemblait à une recette de glaçure. C'est, visuellement, ça m'a vraiment tout de suite attirée. Fait que là, je suis partie à partir de ça, j'ai transformé ces trucs-là en recettes de glaçure. Puis je suis allée chercher les matériaux se correspondants. Fait que s'il y a du potassium, par exemple, dans les algues, parce qu'il y a énormément de minéraux dans les algues. Fait que s'il y a du potassium ou du fer, ben moi, j'ai ces matières-là céramiques sous la main. Donc, j'ai fait des mélanges. Quelles étaient les proportions? Oh, ça, elles sont toutes différentes, en fait. Pour chacune des algues, toutes les proportions sont différentes. Okay. Puis j'ai changé de matière, je me suis fait à peu près 6 recettes différentes. Puis donc, ça me fait 36 résultats en tout parce que j'ai 6 sortes d'algues. Donc, les résultats, c'est une fois que ces mélanges-là sont cuits. Sont cuits, oui, exactement. Donc, sont cuits à, on dit à moyenne température, là, à hauteur de 1200 degrés Celsius. Puis là, c'est ça, j'ai comme des résultats. Et c'est ces pâtes-là, parce que ça devient un peu comme des pâtes céramiques, là, comme de l'argile, mais sans en être, que je vais mouler dans des moules que je me suis fabriquées à partir des algues elles-mêmes. Elles sont coulées, en fait. Ouais, sont comme si c'était coulé, parce que les algues sont moulées, en fait, puis l'argile est coulée dans ces moules d'algues-là. Ouais, oui, exactement. Tu remplis les espaces qui sont laissés par les algues au départ. Tout à fait. Puis c'est ça, je vais cuire ça par la suite. Puis, chacun des résultats diffère beaucoup. Donc, il y a cet intérêt-là de travailler en se demandant comment c'est fait. Oui. Et de partir un peu du délire de comment c'est fait. Mais je veux dire, ça, à un certain point, ça n'a plus rapport parce que c'est pas comme ça que c'est fait. Non, c'est un point de départ. C'est un point de départ. Pour la recherche. Exactement. Tu y vas avec les résultats, en fait. Tout à fait. Puis, tu sais, dans ma recherche, comme tu dis, il y a la piste scientifique que je suis parce que je me crée, en fait, un processus scientifique que je suis rigoureusement tout au long de mon processus. Mais par la suite, ça devient complètement un peu bizarre parce que là, ça devient un peu factice parce que ces algues-là n'existent pas, mais elles sont bien là. Puis c'est vraiment avec ça que j'aime travailler, dans le fond, le vrai, le faux, le reconstruit, puis le pourquoi reconstruire ces choses-là, il y a vraiment, c'est vraiment là-dedans que je trouve mon intérêt dans ce projet-là. Oui, puis il y a aussi tout un volet connaissance des éléments naturels qui nous entourent, qui, je trouve que c'est un beau prétexte pour en parler, justement. Donc, je voulais qu'on aborde aussi, donc, tous tes objectifs formels par rapport à ce projet-là. Est-ce que tu as déjà des pistes? Est-ce que tu vises un type d'objet en particulier, peut-être par l'accumulation, la série, en installation? Ben, en fait, moi, je le vois vraiment comme un herbier. Fait que j'aimerais mettre ces algues-là sur des grandes plaques de porcelaine, un peu comme des pages d'un herbier, puis elles seraient disposées les unes un peu à côté des autres dans une installation en exposition, dans le fond. Là. Puis vraiment, vraiment comme si on avait séparé des pages, puis qu'on avait comme accès à cet herbier-là, dans le fond, puis qu'on pouvait voir un peu ces pages-là séparées, mais ça serait, chacune d'elles est comme un peu un tableau. Elles sont séparées individuellement, là. Oui, oui, oui, vraiment. Parce qu'il y a plusieurs types d'algues que tu veux aborder. Oui, j'ai 6 algues que j'aimerais mouler, et j'aimerais couler, dans le fond, 2 fois chacune de ces algues-là, donc j'aurais 12 panneaux. On peut dire. Ouais. C'est ce qu'on vise. C'est le plan de match. Ça va se réaliser puis comment tout ça peut va arriver. Se passer. Oui, parce que la céramique, ça reste quand même un médium qui est quand même capricieux. Oui. Puis on ne sait jamais où, quand est-ce que ça balance. Là. Des fois, c'est à la cuisson, des fois, c'est avant la cuisson. C'est un médium qui est vraiment, vraiment fantastique, vraiment merveilleux, mais qui est très, très challengeant. Là. On peut vraiment être frustré souvent. Oui, c'est un monde de surprises quand même. Ah, complètement. Mais c'est aussi ça qui est fantastique. C'est parce que tu sais pas où c'est que ça va aller, puis tu sais pas comment ça... Tu penses que tu es en contrôle de tout, puis tout d'un coup, bon, finalement, tu l'es pas tant que ça. T'sais. Mais c'est ça aussi qui est beau, parce que tu es toujours en apprentissage. Oui, puis il y a beaucoup de recherches, puis de validation aussi. Complètement. Tu es en test continuellement. Ça fait des mois que je teste des choses, puis finalement, je vais arriver à un résultat, mais tu sais, c'est ça, c'est pas évident, mais c'est ça qui est beau. Par rapport à ce projet-là, j'aimerais qu'on parle en fait de tes deux pratiques, donc photographique et en création céramique. Est-ce que parfois ça se mélange, ces deux pratiques-là? Comment tu vois au quotidien là, ces deux pratiques-là? Est-ce que tu réfléchis des projets qui abordent les deux façons de travailler ou c'est vraiment très séparé pour toi? Non, bien, ça l'était beaucoup au début. Puis ça fait quand même plusieurs années. En fait, je pense tout le long de mon deck en céramique, je me suis posé la question comment j'amenais la photo là-dedans ou comment je mélangeais ça ensemble. Parce qu'il y a vraiment quelque chose pour moi. En fait, moi, j'ai une pratique artistique qui se développe un peu en deux médiums, mais c'est ça, j'ai vraiment cherché à les amener ensemble. Parce que c'est les mêmes thèmes de recherche. Les mêmes thèmes de recherche, c'est les mêmes passions, c'est ce qui me pousse dans les deux médiums. Puis des fois, des fois, ça se développe plus facilement dans ma tête, un projet ou un sujet en photographie. Des fois, ça se développe plus en céramique. Puis il y a vraiment, on dirait que ça peut se mélanger, ça peut être séparé. Mais j'essaie aussi d'amener la photo dans la céramique, comme un des projets que j'ai fait. Ou c'est des grosses roches que j'ai déposées dans le bois, puis j'ai refait des photos de ces roches-là dans la forêt. Ben, pour moi, le projet final, c'est les photographies, en fait. Mm-hmm. C'est pas juste une documentation, c'est une trace de ces objets-là que je continue de documenter parce qu'ils continuent de rester en forêt, en fait. Fait qu'il y a vraiment cet intérêt-là de travailler avec les deux médiums vraiment activement plus que juste l'un ou juste l'autre. Ce projet-là de recherche, donc les arbres d'eau, ça va être présenté? Oui, ça va être présenté. En fait, c'est présenté durant une exposition satellite de la Manif d'art qui a été remise depuis, on le sait, cette semaine à 2022. Oui, c'est vraiment ça le plan. Et normalement aussi, avec tout ce qui se passe, on se croise les doigts, mais à la Biennale de Saint-Jean-Port-Joli, de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli cet été. Ah oui, dans le cadre d'un expo collectif? Oui, avec les finissants de la Maison des métiers d'art. OK, super. Vraiment. Donc, il y a quand même bientôt deux endroits là, où on va pouvoir apprécier cette recherche-là. Oui, je suis vraiment contente. J'ai hâte d'avancer le projet, de le finir, mais aussi de le présenter. Là, pour pouvoir en parler. Oui, vraiment. Super. Ben, merci, Catherine Labelle-Ouellette. Ça me fait grand plaisir. Merci à toi. Ну а сейчас, ребята, послушайте соло на ударных инструментах. Кто смелый, танцуйте. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1. C'était la pièce soliste, toujours du DJ Raj, qu'on entendait. Et juste avant, notre chroniqueuse Marie-Claude Drolet, qui s'entretenait avec l'artiste céramiste Catherine Lebel-Ouellette. On se laisse pour une courte pause publicitaire et au retour, on écoute l'entrevue que Gentiane La France nous a préparée avec Valérie Potvin suite à sa résidence à Berlin.

Valérie, tu reviens d'un long séjour en Europe, presque un an. Oui. Et tu as été à Berlin dans une résidence qui était accueillie dans un lieu assez particulier, Zentrum für Kunst und Urbanistik. Donc, c'est, semble-t-il, un organisme où on croise les arts visuels et l'urbanisme. Oui, exactement. Et, comme tout artiste en résidence, on arrive avec une idée, un peu une piste à développer. Quelle était la piste sur laquelle tu t'étais lancée dans cette résidence-là, puis comment ça s'est développé, comment ça s'est transformé au courant de ta résidence? Oui. Au fait, c'est ça, depuis plusieurs années, je travaille à développer des nouveaux processus de travail qui incluent une notion de mobilité, mm-hmm. d'écologie et d'éthique. Donc, c'est un peu les trois sujets qui ont fait partie de mon projet de maîtrise, d'ailleurs, mais que je continue à pousser. Et puis là, en contexte de résidence, ben, c'était d'autant plus cohérent que j'allais dans un autre pays. Donc, la question de la mobilité, de qu'est-ce qu'on fait avec les œuvres, quel type d'œuvres on fait dans ce contexte-là, se posait. J'étais en résidence chez Adelaar aussi juste avant de partir en Allemagne. Donc, j'avais commencé aussi à travailler en extérieur, donc à faire... interagir des œuvres dans la nature et puis à développer un processus photo, vidéo autour de ça. Donc, c'est quelque chose aussi qui revient dans ma pratique, donc plus les médias vidéo, disons. Donc, cette idée-là était... Tout ça était là et le centre, le ZKU, est situé dans un parc, dans un... Bon, c'est pas très loin du centre-ville, c'est quand même en ville. Mais bon, j'avais... une idée un peu de travailler en extérieur, d'utiliser ce parc-là. Finalement, quand je suis arrivée, je me suis un peu rendu compte que le parc n'était pas comme je l'imaginais, dans le sens où c'était beaucoup plus un parc urbain, très achalandé. Donc, j'étais déjà allée à Berlin, mais j'étais jamais allée dans cet endroit-là. Mais à Berlin, je m'imaginais parce qu'il y a des parcs forêts où on peut se perdre tellement c'est grand. Donc, tu sais, on est en ville, mais l'aspect nature est très, très présent. Donc, je m'imaginais peut-être plus un parc comme ça. Où j'allais pouvoir avoir une certaine tranquillité, développer mon projet de travailler dehors. Puis, ça s'est pas présenté comme ça, ou je l'ai pas senti comme ça, donc j'ai décidé de travailler plutôt en atelier. Mais c'est ça aussi, c'était une résidence. C'est un organisme qui a un volet d'événements, qui accueille... par exemple, pendant que j'étais là, il y a eu un groupe d'environ 50 Russes qui sont débarqués pour un projet spécifique. Après ça, ils ont fait un livre, ils ont fait un lancement de livre. Donc, il y a aussi 12 résidents à la fois. Donc, c'est un lieu qui accueille énormément de gens. Environ une centaine de personnes peuvent passer dans la bâtisse dans une semaine. Donc, c'est très, très sollicitant. On cuisine tout le monde ensemble aussi parce que la cuisine est partagée. Donc, c'est un lieu où on est vraiment en immersion avec les gens. Donc, mm-hmm. Ben, je suis quelqu'un de social, mais je me suis rendu compte, ben, je le savais déjà, mais je pouvais pas le savoir avant d'aller là-bas que ça serait à ce point-là, achalandé, que ben, moi, j'ai besoin de travailler dans le calme et tout ça. Donc, j'ai préféré vraiment me concentrer dans un travail d'atelier. Puis, mon studio, je l'aimais bien, c'était grand. Donc, puis, après ça, ben, avec la pandémie, évidemment, ça a changé la donne beaucoup, donc par rapport aux sorties, par rapport à tout ce que j'envisageais de voyage pour aller faire des sorties extérieures, tout ça, ça devenait un peu impossible, ou compliqué, plus qu'impossible, mais... Donc, tu t'es reclus beaucoup dans ton atelier, avec une pratique plus dans l'introspection, plus que dans l'exploration exactement, externe. Exactement, oui. Mais j'ai gardé quand même mon fil conducteur du départ, donc quand je relis vraiment mon projet de départ, pratiquement tout est là. C'est juste que les objets, bon, c'est ça. Une partie du projet était de créer des objets qui étaient conçus pour être dissolus, pour disparaître, et puis que je filmais le processus de disparition. Donc, c'était des expérimentations que j'avais déjà faites justement chez Adelaar, plus en nature, dans des rivières, tout ça. Et là, je l'ai fait plus dans un environnement contrôlé, donc dans un aquarium, tout ça. Donc, j'ai vraiment plus travaillé à l'atelier. Et cette résidence-là, ZKU, ne comportait pas nécessairement de volet exposition, mais tu as eu la chance de montrer le résultat de tes recherches dans une exposition à la galerie Donnerstag. Oui. Et c'était une toute nouvelle galerie qui venait d'ouvrir. Oui. Tu as été la première à faire une exposition avec Dissolution, c'est le titre de ton exposition. J'aimerais ça que tu nous amènes dans cette exposition, puisqu'on n'aura pas l'occasion de la voir. Donc, on pouvait voir d'abord l'exposition de l'extérieur de la vitrine. Il y avait une première pièce... Oui. Que t'as, dans laquelle tu as vraiment installé une architecture intérieure pour ton projet. Oui, exactement. C'est ça. La galerie contenait deux pièces. La première pièce donne sur la rue, donc avec une très grande vitrine. Donc, on peut voir l'œuvre de l'extérieur. Donc, j'ai vraiment... j'ai conçu, au fait, un squelette de 7 mètres de long qui était démantelable, donc en différentes parties. Et tout ça recouvert de tissu et d'argile. Donc, j'ai vraiment fait un objet entre... une installation entre l'objet et le lieu. Et j'ai pour accueillir cette installation-là, j'ai vraiment conçu une pièce... comment je pourrais dire? Ouais, une construction architecturale qui épousait le lieu, mais qui faisait aussi, qui fonctionnait avec le propos, donc un peu de simuler qu'on rentrait dans un environnement de travail ou dans un espace de recherche en archéologie où qu'on venait de trouver cet objet-là démesuré. Donc, quand on rentrait dans la galerie, c'était fait sur plusieurs niveaux, donc on montait comme un escalier, il y avait une rambarde aussi, et de l'extérieur, on voyait plus comme... comment je pourrais dire, c'était un peu plus abstrait. Ce qui se passait, c'est sûr qu'on apercevait des parties qui suggéraient effectivement des os cachés sous le tissu. Mais quand on montait en haut sur la plateforme et là qu'on voyait de l'autre côté, on apercevait vraiment toutes les parties du squelette, là, donc le crâne qui était disposé entre les jambes. Donc c'est sûr qu'il n'était pas disposé comme un corps intégral. Mais là, on voyait vraiment la complétude, disons, du corps quand on était en haut de la plateforme. Puis il y a quelque chose de l'archéologie, mais quelque chose de presque de la découverte de dinosaures, de retrouver comme ça un squelette humain de 7 mètres de long. Oui, c'est ça. Au fait, c'est ça, des dinosaures. J'en ai parlé tout à l'heure précédemment. Dans notre conversation, au fait, je suis allée au musée à Berlin. Il y a un très beau musée de l'histoire naturelle et ils ont plusieurs dinosaures. Et là, il y avait un dinosaure en tournée spéciale, je ne sais plus, un T-Rex. J'étais complètement fascinée par ce musée-là aussi, qui ont une collection de roches exceptionnelles. Mais bon, oui, c'est ça. Puis j'en suis venue à travailler avec le squelette pour un projet précédent que j'avais présenté lors d'un open house dans le centre d'art. Et donc, j'ai eu cette idée-là, en voyant les dinosaures, tout ça, de produire un corps démesuré, au fait. Là. Donc, cette première pièce-là, où on découvre un squelette de 7 mètres avec la tête entre les jambes, et ensuite, il y a une transition vers une autre pièce. Oui. Une autre salle d'exposition dans la même galerie, et puis c'est une expérience qui est complètement différente quand on entre de d'autre part. Oui, c'est un univers complètement différent. Dans la première, on est plus dans un univers clair, presque un gris-blanc très clair. Et la deuxième salle, on rentre dans un environnement complètement noir, mais avec une projection vidéo, et là, qui se passe sous l'eau. Donc, on est encore dans l'exploration, mais là, plus comme sous-marine. Donc, c'est ça, j'ai conçu plusieurs sculptures en argile, mais... en argile naturelle, donc que j'ai tout simplement fait sécher, et j'ai fait dissoudre ces objets-là sous l'eau, et j'ai filmé la dissolution, donc en temps réel, et j'ai fait un montage, un film, une installation vidéo aussi, parce qu'il n'y a pas juste le film dans la salle, c'est que tout le dispositif de présentation devient aussi un objet sculptural. Comme les dissolutions se sont produites dans un aquarium, donc là, l'aquarium devient comme un dispositif de présentation du système de projection qui reproduit des réflexions de projection. Donc, ça forme un peu comme un objet avec des multiples réflexions. Et puis, ce film-là, sur un écran de grande dimension, qui présente 4 scènes différentes en alternance, où là, on voit soit des animaux, des serpents, soit des personnages hybrides avec le serpent, ou soit des personnages tout simplement qui sont un peu, qui rappellent des couples donc qui se dissolvent en temps réel sous nos yeux. Donc il y a quelque chose de très contemplatif aussi, oui, dans l'expérience de voir ces dissolutions sous l'eau. Oui. J'imagine qu'il y a presque une espèce de faux ralenti aussi qui, oui, s'installe dans cette suspension dans la matière aqueuse. Oui, oui, c'est ça. C'était vraiment, on avait l'impression d'un ralenti, mais c'était en temps réel. Mais la qualité des caméras, c'est exceptionnel, tu sais, puis on voit toutes les bulles, donc on voyait vraiment le détail aussi de l'eau qui se charge en matière, et plus l'eau se charge en matière, plus il réfléchit la lumière d'une manière différente, donc les couleurs changeaient, donc on venait dans les tons de vert, alors que les objets n'étaient pas du tout verts, mais comme le vert de l'aquarium, lui, était vert. Mm. Donc là, ça faisait évoluer comme ça l'environnement. Et puis tout l'environnement sonore aussi, parce que j'ai enregistré le son sous l'eau. Donc on était vraiment dans un univers aquatique. Mm. Mais merci beaucoup, Valérie Potvin, de nous avoir fait une visite guidée de cette exposition Dissolution qui a eu lieu à Berlin en clôture de ta résidence de près d'un an. Et puis, ben, au plaisir aussi de se reparler à la radio. Ciao! Nézoucibette, toujours du DJ montréalais Raj, et on continue avec la dernière entrevue de l'émission avec l'artiste Ilana Pichon qui discute de son exposition Des friches, des chiffres dans les vitrines de la galerie d'Angram avec Gentiane Lafrance. Bonjour Ilana Pichon. Allô. On se rencontre dans un parc au frais. Pour cette entrevue, on avait le goût à l'aérospatiale de parler de ce projet Des friches, des chiffres, oui, qui est une exposition dans les fenêtres de la galerie Angram, qui est actuellement donc en attente de rénovation. Mm-hmm. J'imagine que le fait de vouloir monter cette exposition là, ça s'est fait quand même assez spontanément, là. Oui. C'était, je pense, une réflexion à l'origine sur le fait qu'on a moins d'espace de diffusion par le fait de la fermeture de tout Méduse, en fait. Et aussi parce qu'on est souvent pris à l'extérieur à cause des conditions sanitaires. Donc, on s'est demandé si... J'ai posé la réflexion à l'équipe d'Angram de dire comment est-ce que dans les futurs mois, on va pouvoir trouver une manière de diffuser et de rejoindre les gens quand même avec notre imprimé. Et là, je me suis faite dire, ben, on a encore techniquement accès, nous, pour installer à la galerie. Donc, si tu veux faire une résidence et faire un projet qui vient prendre place dans cette galerie-là, on peut faire ça, mais il faut que ça soit rapide. C'est un peu, décide-toi maintenant. Donc, tu t'es décidé rapidement. Oui. Ce projet, il y avait déjà cours dans ta tête, dans tes recherches? Je pense que les friches autoroutières, ça fait partie de... d'une curiosité du territoire et des autoroutes que j'ai depuis que j'ai étudié en architecture. C'est vraiment des espaces un peu délaissés qui, m'intriguent beaucoup. Bien, c'est un espace, je pense, qui est lié à cette notion de non-lieu qui a été conceptualisée par le français Marc Auger. Oui, en fait, c'est qu'indirectement, on explique que, Auger explique qu'un lieu en tant que tel est nommé en tant qu'espace parce que c'est un espace de rencontre, il a une identité, une histoire. Et en fait, à contrario, finalement, un non-lieu, c'est celui qui a pas d'identité et qu'on peut pas s'approprier pour y donner une matière à quelque part. Donc, indirectement, oui, la friche devient un non-lieu. À la base, lui, il traite plus des aéroports ou des centres commerciaux où ce que les gens vont se rencontrer, mais sans nécessairement réellement se rencontrer. C'est plus des lieux de passage. Mm-hmm. Mais moi, j'avais trouvé, quand on s'était fait introduire à cette notion-là de non-lieu et liée à la friche, j'avais trouvé que c'était une belle poétique. Parce que le projet en tant que tel, c'est que t'es allé avec cette méthodologie que tu développes à partir à la recherche de motifs sur Google, Google Maps. Et là, t'as concentré ton projet sur différents nœuds d'autoroute. Oui. C'est toi qui les appelles comme ça. C'est un amas d'échangeurs. Oui. Le concept de non-lieu vient s'y appliquer parce que la circulation automobile passe autour. Mm-hmm. Mais c'est des endroits qui sont difficilement accessibles à pied ou qu'on peut pas vraiment visiter en tant que tel. Techniquement, c'est fait en sorte que justement, il faut traverser l'autoroute. Des fois, il y en a qui sont accessibles un petit peu par des petits passages, mais en effet, moi, c'est l'espèce de contradiction ou d'opposition que je trouve intéressante entre cet espace vraiment délaissé, ou en tout cas qui est laissé à lui-même et qui est dans une lenteur vraiment intéressante versus le flux autoroutier qu'il traverse, qui lui va vraiment vite. Ce contraste-là, je trouve que il y a quelque chose de beau là-dedans. Oui, ben oui, c'est un contraste qui est très parlant sur l'usage que l'être humain fait de son territoire dans des milieux urbains. Oui. On sait à Québec, la présence autoroutière est quand même très importante. Là. C'est une des villes en Amérique du Nord où il y a le plus d'autoroutes de kilomètres d'autoroute par tête d'habitants. Exact. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents... Je pense qu'il y a il y a 9 sculptures qui sont exposées dans la galerie d'Engram. Donc, il y a 9 lieux qui ont attiré ton attention. Oui. En fait, c'est parti d'une volonté de traiter la friche, mais aussi de vouloir un peu parler de notre territoire. On n'a en ce moment pas grand accès, on se promène beaucoup moins. J'aime beaucoup regarder Google Maps dans la vie parce que ça nous permet de voyager sans réellement y aller. Mais souvent, c'est complété par une réelle relation avec l'espace. Là, je l'amène dans la galerie, donc la relation à l'espace, elle est faite par le passant qui regarde les œuvres, puis qui se construit, lui, sa propre image de ce lieu-là. Mais ça reste qu'il y a quand même cette notion de relation, d'une quelconque manière. Et j'avais envie de travailler aussi avec des contraintes, parce que j'ai besoin de contraintes dans la vie. Et j'ai, en fait, starté la recherche en résidence à partir d'un outil qu'Engram développe présentement pour faire de la médiation. Et il y a 9 artistes différents qui ont une pratique en art imprimé qui a été observée et décortiquée pour réaliser des exercices qui sont simples, qui seraient faits par les enfants. Et en fait, ces exercices simples-là, j'ai pris ces consignes-là et j'ai essayé de les appliquer pour les 9 nœuds différents. J'ai choisi un nœud par artiste, ou en tout cas par observation et par exploration. Et ça donne qu'il y a 9 fenêtres dans la vitrine d'Engram. Donc, ça, en tout cas, j'ai un petit peu organisé la chose, mais ça reste que c'est quand même, pour moi, une manière d'amener un ensemble sur ces vitres-là. Et là, tu parles de 9 artistes. Est-ce que tu as travaillé en collaboration avec ces artistes-là pour chacun des nœuds? Non, okay. En fait, j'ai travaillé à partir du document qui est présentement en construction. Okay. Et il y a 2 artistes de chez Engram qui construisent ce document de médiation-là. Et en fait, ils ont fait un petit exercice pour chacun qui serait donné à l'enfant qui dit, par exemple, si tu dois observer cet artiste-là, lui, il travaille à partir des couleurs ou beaucoup des formes, ou il traduit peut-être cette chose-là de cette manière-là. Si toi, tu devais observer, le jardin de ta grand-mère, comment est-ce que tu le traduirais? Si je te donne tel conseil. Donc, tu t'es prêté aux exercices. Exactement. Et donc, c'est ça qui est allé déterminer le choix des couleurs, des textures dans les différentes sculptures? Oui, entre autres. En fait, c'est un beau petit dialogue entre moi qui laisse aller vers l'autre ou qui laisse rentrer l'autre dans ma pratique. Des fois, il y en a qui sont un petit peu plus tortueux parce que je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup la couleur. Dans ma pratique, c'est très, très important. C'est mon moment presque préféré, mélanger les couleurs ou les choisir. Et il y a certains dialogues, en fait, qui ont été un petit peu, des fois, à savoir à quel point je laisse rentrer l'autre dans mon regard, ou en tout cas, c'était intéressant d'apprivoiser ça, en fait, d'une autre façon. Je pense que cet exercice de lâcher prise a été vraiment très riche, en fait, parce que ça m'a permis de, moi, laisser tomber certaines barrières et de faire un exercice, en fait, sans me dire, OK, j'ai absolument besoin d'un résultat. Présentement, on fait le test. Et puis là, vient prendre tout son sens aussi le terme médiation qui est appliqué à cet exercice-là, parce mm-hmm. que tu parles d'une espèce de médiation entre ta pratique et la pratique des artistes qui sont associés à chacun des nœuds. C'est, mm-hmm. c'est vraiment fascinant. Donc, ce sont des sculptures oui. faites à partir d'éléments bidimensionnels. Donc, mm-hmm. c'est des éléments qui sont sérigraphiés, oui. Qui sont apposés sur des cartons. Les cartons sont ensuite découpés. Mm-hmm. La sérigraphie est importante. Tu aurais pu tout simplement découper les éléments. Tu veux dire dans du carton de couleur, oui. par exemple? Oui, en effet. Et j'aurais aussi pu, j'y ai pensé, me faire un écran tout simple et juste imprimer la couleur et ensuite découper la forme. Aucune idée pourquoi, pour moi, c'était important d'aller imprimer la forme en tant que telle et ensuite de la découper. Il y a certains artistes qui ont des pratiques dont l'approche est, par exemple, de sérigraphier plusieurs fois la même couleur sur le même aplat mm-hmm. et on obtient une densité différente. Donc, il y a vraiment quelque chose, je pense, qui était important pour moi de respecter le processus de la sérigraphie et non de dire « je vais juste aller découper quelque chose ». Mais la finalité est intéressante parce que c'est vraiment un matériau très brut. T'sais, quand on est derrière, on voit super bien, je ne sais pas si on se promène dans la rue, si on observe un petit peu, on arrive à voir que c'est du carton, mais ça reste très élégant quand même dans la finalité, mais en arrière-plan, c'est quand même maquette style beaucoup. Là, t'sais, c'est... Oui, ben on sent quand même, bon, c'est du carton ondulé, donc ouais. on va sentir là, si on se déplace un peu à gauche, à droite des œuvres. Et les œuvres sont exposées, donc elles sont suspendues. Oui. J'en parlais plus tôt avec toi, il y a cet effet de suspension et la transparence, si on veut, de la galerie d'engrammes qui fait mm-hmm. qu'on peut voir le ciel au travers. Donc, ce côté-là très, très léger, c'était quelque chose qui était important dans la présentation des œuvres. Ouais. Il aurait pu être sur socle. Oui, mais en fait, je pense que j'avais besoin, en contradiction de nouveau, tu sais, on parlait du plein, du vide, oui. Entre l'autoroute, la friche, mais là, il y a souvent la lumière et le plein ou l'ombre qui viennent jouer. Et là, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant parce que c'est une masse à la base. C'est un territoire qui est... Il y a du béton. Et là, c'est super léger, finalement. Je trouve que ce jeu de contraste-là est intéressant. Et aussi, ça me fait penser, c'est que moi, j'ai observé sur Google Maps. Donc, normalement, je regarde d'au-dessus une cartographie. Et là, je viens de la mettre en élévation. Donc, il y a ce jeu de basculement. Oui. Mm-hmm. De basculement du plan qui fait qu'on le voit de manière frontale. Mm-hmm. Et un élément aussi que tu as travaillé beaucoup, c'est la superposition des différents motifs, des différentes formes. J'imagine que c'est un peu là aussi, bon, avec les couleurs, on en parlait, mais c'est un peu là aussi que tu as pris plus de liberté. Oui. Ouais. Oui, c'était vraiment... en fait, c'est un peu comme si on mettait les éléments légaux devant nous, puis après, on se dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de construire? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en construisant, c'est pas collé tout de suite, c'est vraiment... Je commence à les superposer, je décide de la distance entre eux en hauteur, mm-hmm. mais aussi dans l'espace. Ils sont tous articulés autour de leur forme propre du nœud, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la forme de base qui existe, et après ça, ils sont en arrière-plan ou en avant-plan, il y a la construction qui se fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai beau décider d'un arrangement, une fois que je viens pour coller, il va y avoir un petit peu de jeu de nouveau. Fait que ce que je propose, c'est une solution graphique mm-hmm. ou une traduction, mais ça reste que ça aurait pu être mille façons autres de les assembler. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, les gens passent devant ces neuf nœuds-là, mais finalement, ce qu'ils vont capturer dans leur passage, parce que c'est pas un lieu d'exposition fixe comme on est en galerie normalement, on va retenir certains éléments selon notre, notre perception propre, et on va construire au fur et à mesure une forme de nouvelle cartographie de d'éléments de friche aussi. Comme une espèce de narrativité aussi, oui, qui se dessine, mm-hmm, parce qu'il y a 9 sculptures, puis il y a trois sections, je dirais, de fenêtres, donc il oui, y a aussi des triptyques qui ont été réfléchis au travers de tout ça. Oui, il y a un équilibre global de 9, mais de 3, puis de 1 à chaque, ben, de chaque nœud à chaque fois aussi. Oui. Et c'est un lieu de circulation, c'est un lieu de passage, c'est la côte d'Abraham. Donc, il y a aussi un rappel avec l'origine des motifs, d'avoir ces voitures qui circulent et nous, passant oui, à pied, qui prenons le temps d'arrêter comme mm-hmm, si on était au milieu d'une friche. Oui, exactement. Il y a cette notion de déplacement et de vitesse que j'aime beaucoup, qui est très importante. Pour moi, on a une perception du territoire qui est vraiment différente si on est en voiture, à pied ou en vélo, ou encore autre chose, que ça soit en avion, mais les détails qu'on retient ne sont pas les mêmes, en fait. Mm-hmm. Donc, j'aime beaucoup ce dialogue entre la suspension fixe et quelque chose d'un petit peu intemporel, le passant et la voiture ou l'autobus qui passe à une vitesse un petit peu plus forte. Et le mélange des perceptions qui oui, vient... En tout cas, c'est un très, très beau projet. Ilana Pichon, on peut voir ça dans la galerie d'Engram jusqu'au 39. Merci oui, beaucoup de t'être déplacée ici au parc, au frais, pour cette entrevue. Et on se dit à la prochaine. Oui. C'est donc ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec, puisque nous y gardons un calendrier le plus à jour possible. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Un grand merci ce soir à Valérie Potvin, Ilana Pichon et bien sûr Gentiane Lafrance pour les entrevues qu'elle nous a préparées en leur compagnie, mais surtout d'être la meilleure co-animatrice de l'univers. Merci à notre chroniqueuse de la semaine, Marie-Claude Drolet, ainsi qu'à son invitée Catherine Lebel-Ouellette. Et un salut spécial à notre Rothko de la mise en onde qu'on a hâte de retrouver en studio. Bonsoir Jacques Gignac. On se laisse sur une dernière piste intitulée Amaluna. Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL 89.1. Tu aimerais améliorer ton français écrit? Apprendre à lire? Prendre part à une création théâtrale? Suivre des ateliers d'initiation à Internet, iPad, Facebook, Excel ou Android? Réintégrer le marché du travail si tu es prestataire du programme d'aide sociale? Participer à des ateliers de francisation? Le cœur à lire. Pas de gêne, pas de stress. 418-841-1042. Vous avez besoin de réponses ou de conseils financiers? Vous n'arrivez plus à soutenir la pression de vos dettes? Communiquez avec Jean Lelièvre, syndic en insolvabilité, pour une consultation gratuite. Nous avons une solide expertise tant au niveau commercial que personnel. Nous vous accompagnerons de façon personnalisée, respectueuse et confidentielle sur le chemin de la réorganisation financière. Retrouvez la paix d'esprit et le chemin de la liberté. JeanLelièvreSyndic.com. Pour mieux vous servir, nous avons 2 bureaux dans la région, à Québec et Lévis. 418-653-5553. Savais-tu qu'en achetant ta bière dans des cruchons consignés, ton impact environnemental est bien moindre qu'en l'achetant en canette ou en bouteille standard? C'est pourquoi à la brasserie artisanale La Korrigane, nous avons opté pour le cruchon sans étiquette pour la vente de nos bières. Évite la production d'emballages à usage unique, tout en venant t'approvisionner à même notre nouveau frigo de cruchons pré-remplis. Même plus besoin d'attendre pour le remplissage. La Korrigane, 380 rue Dorchester. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. À découvrir sur la fabrique culturelle. On peut faire ci, on peut faire ça. J'aime ça quand tu fais ça comme ça. J'aime ça quand tu fais ça. J'aime ça quand tu fais ça comme ça. J'aime ça quand tu fais ça comme ça. Une session musicale de Caro Dupont qui chante One Two et Just Chilling. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité.